Buckham Fabric Live numéro 46. Un petit extrait, un quart d'heure comme ça. Attention, ça va bouger, on monte le son, c'est parti. Les basses vont vibrer grâce à l'émission de Carte Blanche sur Radio Néo chaque jeudi. fois que le mix est parti. Je sais, ça doit être assez frustrant et je le reconnais. Moi-même, j'aurais envie de laisser glisser comme ça, mais à un moment donné, voilà, hein, ça vient d'arriver, c'est dans les bacs, c'est tout chaud, on va pas non plus tout donner. Un petit avant-goût, comme on dit, hein, un petit apéricube. Pour donner envie de peut-être d'acheter l'intégralité de ce mix de LTJ Buckem sur la compilation, bien sûr, londonienne de ce club combien mythique. La Fabrique, Fabrique Live numéro 46. LTJ Buckem pour les amoureux, voilà, de Jungle Drum and Bass, un peu jazzy, bien planante comme on l'aime, très agréable à écouter, ça le fait grave et c'est ici que ça se passe pour écouter du son pareil dans Carte Blanche chaque jeudi bien entendu à partir de 20h. L'émission sans concession, c'est Carte Blanche avec Max Campo sur Néo. Tous les jeudis, 20h-23h, c'est Carte Blanche avec Max Campo sur Neo. C'est bouillant, ça vient tout juste de sortir sur bien sûr le nouveau numéro hein, qui sort chaque mois du numéro 20 de Tsugi, avec comme à chaque fois dans ce magazine qui vous permet d'avoir toutes les nouvelles tendances, les nouveaux sons de la scène électronique et parfois un petit peu rock, et la fusion des deux, un sampler de 10 titres où on découvre de nouveaux artistes, extrait d'une compilation qui vient de sortir, Kitsune. C'est un trio en fin de compte, deux garçons et une fille, nous viennent du Japon et c'est 80s Kids et le morceau s'appelle Miss Mars. Et de ce qu'on peut lire dans le magazine, c'est qu'ils veulent absolument tout déchirer. Donc on entend bien qu'ils veulent conquérir le monde. Voilà qui est chose faite. Carte Blanche chaque jeudi, 20h-23h, la musique électronique. Bien sûr, dans une demi-heure, ça sera le mix trans à l'ancienne pour faire plaisir à mon camarade Clément qui n'attend que ça avec impatience, qui est en train de bouillir, qui a failli s'endormir lorsque j'ai fait la petite session ambiante tout à l'heure, qui s'est réveillé avec la drum and bass. Et là, on va parler d'un festival qui va avoir lieu courant du mois de juillet, du 2 au 7 inclus. Si mes souvenirs sont bons, au 5, le 7, ça sera beaucoup trop tard. Ça va se passer à 7. Et pour en parler, j'ai dans les studios une camarade qui est ici, qui travaille beaucoup pour l'émission et pour, enfin surtout pour la radio, et parfois même on peut dire pour l'émission parce qu'elle nous a booké quelques artistes, elle nous donne quelques nouveautés parfois. C'est Clémence qui est avec nous et qui va nous parler de ce festival. Elle y était, elle était présente, enfin il va avoir lieu, mais c'est Bifort en fait, voilà. Au casino. Ouais. Et donc j'ai rencontré Gilles Peterson. C'est lui qui organise tout ça. Hein. Absolument, donc c'est un Anglais qui a une émission qui est diffusée partout dans le monde. Et il y a quelques années, il a décidé d'ouvrir carrément son émission de radio à un festival. Ouais. Et il a trouvé des spots partout dans le monde. Alors ça, on peut Gilles Peterson, on connaît le nom, ça parle sans parler. C'est effectivement, on va l'entendre dans un instant, un garçon adorable, très facile d'accès, qui a à peu près quoi 43-45 ans, c'est ça, voilà. Qui a sévi, qui est propriétaire de beaucoup de labels, qui a beaucoup sévi pour la Sea Jazz, il a un label, c'est ça, Talking Loud, ouais. Où il y a eu beaucoup de, je me souviens d'un groupe qui s'appelait Incognito, qui était extraordinaire, que j'adorais, voilà, il a beaucoup fait pour la musique électronique. C'est vrai qu'il est un peu toute tendance, hein, ce garçon là hein, on en parle hors antenne, c'est qu'il peut aller dans l'électro, il peut aller dans la deep house, il peut aller dans le côté un peu plus brésilien, musique voilà, un peu dub, world, ouais. Et puis il a sévi sur beaucoup de radios anglaises, à la BBC entre autres, ouais. Il a fait beaucoup de choses comme ça, donc il a fait connaître de nombreux artistes. Et donc il y a ce fameux festival à 7, ça c'est génial, hein. C'est un très beau site en fait, il y a des concerts sur la plage, c'est hyper international, donc vraiment il y a c'est des amoureux de la musique. Ouais, c'est un festival vraiment comme on peut le voir en temps normal, avec des artistes. Alors il y a beaucoup de noms d'artistes que je connais pas, mais les gros standards de souvenirs comme ça, j'ai vu Carl Craig, donc il serait bien présent, Laurent Garnier également, Jimmy Tenor également, j'ai vu ça en live, ça aussi c'est du gros son. Puis il y en a plein d'autres, il y a plein d'artistes. Alors je vais dire, j'ai lu la bio du festival, il y en a plein que je connais pas forcément, quoi. Mais ce garçon là, il est comme tu en disais avant d'écouter un petit extrait de l'entretien. Il est hyper simple d'accès, en plus il parle couramment français parce que sa mère est française. Quand on l'écoute, on croit que c'est un français, franchouillard, quoi. Un petit accent machin, il est vraiment on sent la passion quand il discute, c'est magnifique, vraiment je suis très content d'avoir rencontré, vous allez voir ça. C'est... Bon, alors on va écouter tout ça, un petit extrait de cet entretien que Clémence a eu avec Gilles Peterson, donc sur 6 minutes 30, ça va démarrer direct, hein. Il va nous expliquer pourquoi ce festival, pourquoi il a choisi ça, j'imagine, et puis tout le parcours très rapidement. Écoutez, c'est un petit cadeau. Je m'appelle Gilles Peterson et vous écoutez Radio Neo. Je vais mixer à côté au Nouveau Casino, ça fait souvent que je viens à Paris, de plus en plus, je comprends pas, mais ça marche pour moi ici en ce moment. Et puis bien sûr, j'ai mon festival qui va apparaître pour la quatrième année, au mois de juillet, premier week-end du mois de juillet, à 7 superbes villes, villages, pour les pêcheurs et pour les fans de la musique. Et puis voilà, on fait notre truc, c'est word of mouth, plus ou moins, on fait pas trop de promo, et puis ça va bien, on est bien excités. La semaine dernière, j'étais à Nice et aux Nuits Sonores à Lyon. C'était bien. La première chose que je veux dire au sujet de mon festival, les gens me demandent qu'est-ce que c'est comme festival, et puis pour moi vraiment c'est un festival où vraiment j'essaye de mettre en live et dans un festival la musique que je joue à la radio. Et il n'y avait pas vraiment un festival qui faisait ça, alors je me suis dit il faut que je le fasse moi-même. Et puis je descendais souvent à mixer à Montpellier, et puis là j'ai rencontré des gens de Freshly Coach, une compagnie promotion, et de ils font des soirées. Et puis je leur ai dit, est-ce que vous savez quelque part où on peut faire un festival? Et puis ils m'ont présenté celle, voilà. Et puis depuis 4 ans, on a eu des gens comme Cobblestone Jazz, c'était vraiment bien, du Canada. On a eu des groupes japonais vraiment bien. Il y avait Cro-Magnon qui était ici à Paris dernièrement. C'est live, mais c'est un petit peu électro. Benga. Ouais, il y avait Benga l'année dernière. Roots Maneuver. Il y a beaucoup de gens qui commencent à venir, comme Lefto. Il y a beaucoup d'hip-hop qu'on a passé aussi. Il y avait Cool Keith. Je me rappelle plus, mais il y a eu énormément de gens. Et moi, là, je fixe vraiment sur cette année parce qu'on a grandi un petit peu cette année. Ça va passer pour 4 jours. On a 3 places où on fait les concerts. Pendant l'après-midi, on est à la plage. Début de soirée, on a le Théâtre de la Mer où on fait du live, beaucoup de live. On a des groupes, on a Moki, Sébastien Schuller, on a Jimmy Tenor, on a Soil and Pimp Sessions qui reviennent du Japon. Et puis après, le soir, pour le clubbing, on a la base nautique. Là, c'est peut-être pour 3000 personnes, 2500, 3000 personnes. Et puis cette année, on a, y a Laurent Garnier qui va jouer. L'année dernière, il a mixé, fantastique. Et puis comme il a sa tournée en live maintenant, il joue en live, alors ça va être bien. On a Theo Parrish qui va mixer du Detroit, c'est un de mes DJ préférés au monde, alors ça va être bien ça. On a des nouveautés, il y a Dorian Concept qui vient de Vienne en Autriche. On a aussi de Vienne, on a Stéréotype, c'est un petit peu genre baile funk, un petit peu dubstep, un petit peu dancehall, c'est vraiment bien comme fusion de style, ouais. Très c'est vraiment Ichiban, un des premiers à faire ce son. On a Diplo qui va venir. Il a joué à mon festival à Singapour l'année dernière, parce qu'on fait aussi un festival là-bas. Et puis il a joué là, alors il va venir. C'est bien, c'est vraiment bien qu'on l'a, parce que lui c'est. Il joue quel soir? Lui il joue le premier soir avec le jeudi soir avec Theo Parrish. Le vendredi soir on a Carl Craig. un autre grand de Detroit qui va jouer, comme je vous ai dit, avec, avec Dorian Concept et aussi avec Martin, qui fait de la musique incroyable en ce moment. Ça, c'est vraiment un des favoris producteurs de cette année. House, dubstep, mais plutôt vers les 140 BPM. Vraiment intéressant comme son, un petit peu jazzy aussi. Et le samedi soir, on a Jazzanova qui vont remixer. On a Laurent Garnier en live. Et puis, attends, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des DJ comme... on a Fulgence, qui est vraiment fantastique, parisien. Il fait un genre de... Et on a D.O.P. qui viennent de Paris aussi. Ils font de la house incroyable. Ça, c'est aussi mes préférés qui sont sortis dernièrement. On a qui d'autre ? On a DJ Oil, on a Jazz Amar, on a... on a qui d'autre ? Oh, il y a tellement de gens. Il y a Lefto, il y a Michael Rutten. Moi, je vais jouer aussi. Je vais mixer le dimanche soir. Ouais, peut-être un petit peu entre les groupes d'ici et là, mais voilà. C'est vraiment de mettre tout ça ensemble. C'est un petit peu comme mon émission de radio. À un côté, on peut avoir des trucs vraiment nouveaux, comme Dorian Concept. D'un autre côté, je vais mettre du Sun Ra. Et puis, tout entre le milieu, tu sais, du world music aussi. On n'a pas trop de world, là. Mais on allait amener Mulatu, mais il n'a pas pu le faire, finalement. Mais ouais, vraiment, c'est un festival qui dit aux gens, bah, écoutez, c'est... Tu dois pas simplement être dans l'électro, tu peux être dans ça, mais il y a vraiment une connexion entre l'électro et Silent Pimp Sessions, et puis c'est vraiment de joindre les points. D'accord, alors les dates, c'est le 2, 3, 4 et 5 juillet, ça se passe à 7, tu peux prendre le train facilement de Paris, ça prend 3 heures, super TGV, via Montpellier ou même Aix-en-Provence, je sais pas exactement, mais je l'ai fait la dernière, c'était vraiment bien. Et puis t'arrives, et puis voilà, tu passes 4 jours là, et puis tu trouves ton hôtel, hein, c'est pas trop, faut quand même trouver ton logement, et puis t'as un pass pour les 4 jours, et puis tu fais la soirée, la journée avec nous, c'est vraiment bien. Et c'est super international aussi, ça qui est bien. Moi je voulais aussi faire un festival où il y avait des gens, parce que comme je mixe partout au monde, et puis ma radio elle passe un petit peu partout au monde, je voulais vraiment que les gens qui suivent la musique que je mixe, ils peuvent se rencontrer quelque part. Alors il y a peut-être 30% anglais, il y a peut-être 30% français, il y a des espagnols, des italiens, beaucoup de belges, des hollandais, des italiens, et beaucoup d'autrichiens qui viennent, je sais pas pourquoi. Mais il y avait même des japonais l'année dernière, et des chinois, et des gens qui viennent du Singapour. Alors c'est vraiment international comme peuple. C'est pas genre French. C'est bien parce que les anglais font un petit peu... Ils font bien la soirée, tu sais, ils mixent bien avec les gens, ça fait un bon mix de personnages. Le festival principal se passe à 7 tous les ans, c'est fait dans le 4e année cette année, mais on fait aussi des festivals satellites. On en fait au Singapour, on en fait au Brésil, on va être à Istanbul, et puis on va aussi peut-être être à Bruxelles, et on fait des soirées genre festival club nights un petit peu partout au monde. Alors c'est super international, et voilà, c'est comme ça. Et puis on veut avoir un public international pour découvrir une partie de la France qui est super belle, que les gens connaissent pas trop bien. Et puis voilà, c'est pas trop chichi, c'est vraiment les gens qui aiment la musique et qui aiment faire... They like to party, you know. We like to party to nice music. Voilà, qui aime faire la fête et qui aime la bonne musique forcément. Gilles Peterson à l'instant même qu'on a écouté dans un entretien avec Clémence, hein, qui est avec nous aujourd'hui dans les studios ce soir. Et rappelons-le, dans le cadre d'un festival qui aura lieu à 7 du 2 au 5. Hein. Absolument. Donc la vraie soirée, c'est le jeudi soir, donc faut pas rater ça. Je sais plus qui y a, mais je sais que c'est très très bien. Ah oui, il te l'a dit. Et il m'a dit, ouais, le jeudi soir, c'est vraiment, enfin tout. Hein. Et ah, c'est génial. C'est dimanche soir. Mais c'est génial parce que, bon, bah voilà, Gilles Peterson, on connaît sans connaître. Forcément, quand on est dans la scène, moi je connais bien, et puis je connais les compilations, tout ce qu'il peut faire, et effectivement, il est assez éclectique musicalement. Il dit, voilà, on peut aimer l'électronique, mais il y a d'autres choses dans l'électronique, il y a des trucs super sympas, un peu world également. Puis on sent le mec passionné, pourtant, il doit prendre dans la gueule au niveau des décalages horaires, de tout ce qu'il doit recevoir, de tout ce qu'il doit écouter, les nouveaux talents, la gestion d'un festival comme ça, sur chaque continent, et juste voilà, il reste, je sais pas comment il est, on dirait un petit enfant, un petit gamin, quoi. Ouais, non, il est, ouais, sans ça, c'est la recherche, et en plus vraiment la programmation, il y a rien à acheter, quoi. C'est extrêmement pointu. Moi j'ai des amis qui y sont allés plusieurs années, la première fois pour moi ça va être cette année. Ouais. Mais on m'a dit que c'était vraiment génial. Enfin, c'est un truc à pas rater. À pas rater. Et si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site worldwidefestival.com. Vous avez vraiment tout, même pour réserver votre train, etc. Les chambres d'hôtel, c'est hyper bien fait. Ça le fait, d'accord, très bien. Bah merci beaucoup. Hein, il faut remettre ça parce que c'est bien comme initiative. Hein. Clément a beaucoup apprécié. Hein. Non mais c'est vrai à refaire. Non mais c'est vrai que c'est super agréable quand on a comme ça des DJ et des artistes qu'on n'a malheureusement pas la possibilité d'avoir à Paris ou dans les studios parce que ça colle pas avec les emplois du temps des uns et des autres. Au moins si on peut aller les choper dans les hôtels ou quelque part dans Paris et pouvoir récupérer un petit entretien, c'est très agréable. Merci beaucoup. Hein. Merci, super, Max. Ça le fait grave. Bah nous on va continuer. On arrive dans cette ultra dernière ligne droite de cette émission de Carte Blanche sur Néo pour ce soir avant d'aller vers le mix. Steve Bug, lui aussi il est toujours là, il est toujours dans la place. Il y a un album qui arrive là d'ici peu, on va en écouter un extrait tout de suite. Allez, c'est parti. Thank you. chronique, les bons plans. C'est avec Max Campo, tous les jeudis dans Carte Blanche sur Néo. sonne un petit peu à l'ancienne, c'est vrai, et pourtant c'est les nouvelles tendances, c'est le nouveau projet de Claude Monet qui viendra nous en parler dans tout juste 15 jours dans ses studios même, dans Carte Blanche sur Radio Néo. Le concept s'appelle Back to the Fundamental, ce sont des artistes français à qui il a demandé d'imaginer le morceau qu'ils auraient aimé avoir ou entendre ou jouer à l'époque des années 90, et c'est vrai qu'on est en plein revival Back to the Fundamental, le projet. En voici un extrait hein, qu'on n'avait jamais diffusé, David Rudier, ça s'appelle Wilderness. Voilà, et c'est vrai que c'est avec des vieilles sonorités, on se dit oh, on l'a déjà entendu ça ou le son, mais voilà, c'est bon, ça le fait grave. Et il sera notre invité dans 15 jours, la semaine prochaine dans Carte Blanche. Notre invité, eh bien ça sera Geister qui viendra, Gaël, hein, avec son label et quelques artistes. On aura donc l'occasion de développer et de mieux connaître justement tout ce qui se passe autour de la scène française. N'oubliez pas qu'il y a des rendez-vous importants hein. Demain soir, Led Back Luke sera du côté du Showcase. Au CAB également, ça sera Charam, un des membres des Deep Dish. Là aussi, c'est à ne pas rater. Et puis samedi soir, au Rex Club, Jules, Loco Dice. Et puis également du côté du Queen, Michael Kaiser et tous ses petits camarades. Sans oublier également TK et Oxia, entre autres, qui seront eux samedi soir au Folies Pigalle. L'intégralité de ce qui a été diffusé ce soir, absolument tout, sur le www.radioneo.org ou bien sur le MySpace officiel de l'émission, www.myspace.com/maxcarteb. Clément, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, j'ai envie ciao. De dire. Ouais, à l'américaine, c'est ça. Et puis nous, bien sûr, le Mix Trans, ça sera dans un instant. Sinon, jeudi prochain, d'ici là, soyez sages. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Clément? Non, c'est bon. Ah bah d'accord, ok. Alors, on vous souhaite une bonne fin de nuit. Attention, le mix d'une heure, c'est parti. L'émission sans concession, c'est Carte Blanche avec Max Campo sur Néo. En ce moment, vous écoutez le mix de Max Campo dans Carte Blanche sur Radio Néo.